écoutez-les, écoutez-vous. Écoutez-nous, écoute-moi, j'ai pas de temps à perdre en bavardage. Je parle de boycottage, appelle ça comme tu veux, je noircis ma page. On est pris en otage, les bons, les brutes, les truands, les sages. Message de ma part au clando et au tricard, au trimard. Tous ceux pour qui la vie en couille se barre. J'ai pas d'or en barre, ni de bifton dans le placard. Écoute-moi bien frangin, je veux pas causer dans le vide. Si le temps c'est de l'argent, alors je me dois d'être avide. Les politicards ont le vent en poupe, je t'avoue que ça me la coupe. La coupe est pleine, j'empoigne le mic, je dégaine contre le FN bien sûr, la censure et la haine. Je braque la lumière, les accords sont en scène, j'enchaîne comme Cool Chain. Le hip-hop coule dans mes veines, je balance mes rengaines en trompant la danse. C'est moi qui mène, ça mène à rien de se recroqueviller sur soi-même. Moi je crois aux autres, c'est clair, au vent qui souffle et en moi-même. J'ai pas de religion, si c'est celle du respect, la tolérance, l'amour, la santé et la paix. Ça paiera bien de ces quatre, à force de se mettre en 4K, à force d'avoir des idéaux hautement redoutables. Tu vois, je constate, et je me sens pas d'accord. J'ai la fâcheuse impression que nos dirigeants ont toujours tort, à tort ou à raison. Je puise mes forces dans le conflit, pas de justice, pas de paix, c'est comme ça que je négocie. Écoute, les histoires qui n'a la vie d'un mec sans histoire. Écoute, le cœur guidé, les rats, ouah, toutes les rats au pas. J'ai envie d'évoquer des choses qui m'empêchent de dormir. Je veux réveiller les consciences car j'ai perdu le sourire. Je vois que dans mon pays les choses sont sur la mauvaise pente. Les loups sont tapis dans l'ombre, en position d'attente. Tant bien que mal, on met des garde-fous pour boucher les trous. Mais le mouvement s'accélère, les thunes, le fric, les sous. Perquisition dans nos vies, retrouver sans dessus dessous. Je me fais pas au système, mentalité de voyou. Je vois que pourtant pas de femme enceinte, pas de casier, pas d'empreinte. Cette vieille, j'ai bien quelques vices, je les fume par paquet de 20. La bourse, moi je comprends pas, je sais je devrais mais je peux pas. J'ai pas le culte de bibier, je me méfie plutôt de ça. Ça me réussit d'ailleurs pas, toujours pas fait fortune. Je préfère regarder le ciel, les étoiles et la lune. J'aime écrire et écrire pendant des heures et des heures. C'est vrai que ça fait mon bonheur, mais je suis pas payé à l'heure. Je vis décalé, c'est ma façon à moi de bien respirer. J'aime le petit matin, entendre les oiseaux chanter. Toujours pas de plan d'épargne, je cotise pas pour la société. Bah même une thune de côté, toujours pas bon à marier. Je suis germinal, pas marginal, je vis juste à côté. Dans un grand bâtiment, en plein cœur du quartier. Le matin je bois mon kawa, à la brasserie du coin. Et c'est dans ces moments là, que dans ma cité je me sens bien. Écoute, l'histoire qui n'a la vie d'un mec sans histoire. Écoute, le cœur guidé, les rats, ouah, toutes les rats au pas. Écoute, toi, un jour pour voir si en toi tu peux croire. Écoute. Plutôt que me saouler à la Saint-Patrick, je préfère célébrer l'Aïd comme un hommage respectueux à mes frères venus des terres arides. J'allumerai des lampions pour le nouvel an chinois et ma porte restera close pour Halloween, crois-moi. On est en France, je vois pas beaucoup d'Américains près de chez moi, même si on est tous sapés comme des b-boys aux USA. Mais l'habit fait pas le moine, ici ça cause pas anglais, ça parle arabe, ça parle wolof ou encore portugais. C'est pas le ghetto man, c'est les cités, m'a dit l'hexagone. Pas le même charme, c'est clair, c'est un autre style de zone. T'as vu nos shows, mec, y'en a pas une pareille. L'exclusion, c'est pas une question de couleur, mais d'oseille. Tu crois qu'à 3 avec un RMI, on mange bien? Quand la fin du mois commence le 5, la mise, ça dit rien. On fait des courses avec les pieds jaunes, trop fiers pour faire l'aumône. On reste le regard à la caisse pour pas faire part de sa détresse. On donne du pain au voisin, quelle que soit sa couleur. Mais dans l'urne, on met le bulletin de la femme tricolore. Je suis en colère, mon frère, les colères visent dans le cœur. Et c'est pas demain la veille qu'on oubliera notre rancœur. Allez, facho, trinquant au sélecto comme de vrais Roya. Mange donc avec tes doigts, bien à l'aise dans une gandoula. Ça fera pas de mal, tu verras, faut voir plus loin que soi. Allez, compte avec moi, Wahed, juste l'état. Écoute.